Leçon 2. Exercice 4. Un emploi du temps très chargé. Racontez. A. Exemple. C'est vrai, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Avoir beaucoup de rendez-vous pendant la journée. Pendant la journée, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. À vous. Devoir traverser tout Paris deux fois. J'ai dû traverser tout Paris deux fois. Être obligé d'annuler un déjeuner. J'ai été obligé d'annuler un déjeuner. N'avoir le temps ni de téléphoner, ni d'envoyer un mail. Je n'ai eu le temps ni de téléphoner, ni d'envoyer un mail. B. Exemple. Avant cette journée impossible, assister à une longue réunion de travail. Elle avait assisté à une longue réunion de travail. À vous. Préparer les dossiers. Elle avait préparé les dossiers. Choisir les personnes à inviter. Elle avait choisi les personnes à inviter. Confirmer l'heure du rendez-vous. Elle avait confirmé l'heure du rendez-vous. C. Exemple. La réunion a été ratée, pourtant. Donner les thèmes de discussion à l'avance. Nous avions donné les thèmes de discussion à l'avance. À vous. Prévenir tous les participants des thèmes retenus. Nous avions prévenu tous les participants des thèmes retenus. Convoquer les meilleurs spécialistes. Nous avions convoqué les meilleurs spécialistes. Bien répartir le temps de parole de chacun. Nous avions bien réparti le temps de parole de chacun.